Merde, les flics chargent. Pas de panique, on laisse personne isolé. Si on voit quelqu'un se faire arrêter, on prévient la légale, hein. 06 75 30 95 45.